Reprochant à Madame Grandet les prodigalités offertes à Charles, Eugénie intervient. « Ma mère n'y est pour rien. C'est moi qui... »« Est-ce parce que tu es majeur ?» reprit Grandet en interrompant sa fille. « Que tu voudrais me contrarier ?»« Songe, Eugénie. Mon père, le fils de votre frère, ne devait pas manquer chez vous de... »« Ta, ta, ta, ta, ta, dit le tonnelier sur quatre troncs chromatiques. Le fils de mon frère par-ci, mon neveu par-là. Charles ne nous dit de rien. Il n'a ni sous ni maille. Son père a fait faillite. Et quand ce mirifleur aura pleuré tout son sou, il décampera d'ici. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. Enfin, Charles est déshonoré. Mais que va devenir mon cousin Charles? Il va partir pour les grandes Indes, où, selon le vœu de son père, il tâchera de faire fortune. Mais a-t-il de l'argent pour aller là? Je lui paierai son voyage. Jusqu'à Nantes. Eugénie sauta d'un bon coup de son père. Ah, mon père, vous êtes bon, vous.